Chapitre 5e. Béatrix confia ses peines à ses amis, qui compatirent en riant. Élie l'avait déçue dès le premier jour, il n'avait été qu'un fantôme. Le droit au divorce était incontestable, elle l'obtiendrait d'un mot. Elle consacrerait l'amour de Paul, amour permis, car d'avance elle était veuve et libre. Le monde, trouvant l'histoire plaisante, se divertissait à la lui entendre raconter dans les termes les plus pudibonds. Ce n'était pas la chair qui l'enchaînait à Paul, mais un enlacement idéal. Une femme très nette dans ses propos lui répliqua gaiement « Si vous ne tenez qu'à l'amour métaphysique et ma chair, gardez donc votre mari et cessez de geindre dans tout Paris comme Héloïse au Paraclet. »« Horreur !» s'écria Béatrix effarouchée. « Vous n'entendez rien à l'attraction des âmes ?» Elle trouva des approbateurs mêlés de rieurs et d'indifférents qui firent cercle autour d'elle. Dans les amis même d'Élie, plusieurs, endoctrinés par Paul, passèrent au camp de Béatrix. Paul, se disait-il, devient une puissance, c'est un publiciste, un orateur en herbe, un libre penseur sérieux. Ils songeaient tous aux nerfs vigoureux des promptes réussites, à ces 2 ou 3 millions dont Paul allait disposer. Paris est pour les riches le plus accommodant applaudisseur, le plus empressé, le plus facile des dilettanti. Fort insouciant, très peu puritain, nullement scrutateur, toujours alléché par les surfaces attrayantes, il ne s'informe guère de ce qui grouille au-dessous. Il veut qu'on l'amuse et qu'on repaisse à toute heure ses vanités et ses appétits. La pauvreté l'ennuie, l'austérité le glace. Ce sont 2 négations sociales qui lui font horreur. 2 maladies dont il se tient à distance, 2 duperies dont se moque son esprit. Il ne s'enquiert jamais de la moralité de ceux qui le divertissent. Cette belle parole de Madame de Lambert. Je ne souhaite pas pour vous, mon fils, une grande fortune. Il y a si peu de grandes fortunes innocentes. Lui semble une maxime pédante. Il lui préfère ce mot de Vespasien, l'argent n'a pas d'odeur. Paul recruta donc sans trop de difficultés des spectateurs au nouveau théâtre où s'exerçaient les prétentions de Béatrix. Les dîners servant d'intermède, beaucoup furent attirés. Il est vrai que Paul déployait un zèle incessant, une activité fébrile, et les expédients les plus raffinés pour que le salon de celle qu'il appelait sa muse ne fût jamais désert. Il importait à la durée et à la sécurité de son règne de faire sanctionner sa situation et de persuader à la fantasque Béatrix que, en se séparant d'Élie, elle n'avait rien perdu de son chaste prestige, que même, grâce au mérite de l'amant, le contingent des parasites s'était glorieusement illuminé de quelques personnalités éclatantes. Paul quêtait ses importantes recrues à la chambre, parmi les rédacteurs de journaux et dans tout le monde littéraire. Comment résister à un si aimable garçon qui le matin a publié votre éloge, qui vous applaudit quand vous montez à la tribune, qui achète vos œuvres, fait écho à votre gloire, partage vos mécomptes, s'attendrit de vos chagrins, et ouvre en magnifique la bourse de la femme qu'il aime à toutes les détresses du génie. Un poète aux abois mettait-il sévère en commandite, aussitôt Paul souscrivait, au nom de Béatrix, 100 actions. Un de ses confrères de la presse ne pouvait-il payer son cautionnement, il offrait la somme. L'âme forte de Béatrix, disait-il, voulait être une des colonnes de la République. Quelque haut placé, quelque renommé qu'on soit, comment se garer de ses faiblesses? Et lorsqu'on y cède, comment refuser sans paraître ingrat un peu de condescendance? On va chez la dame pour remercier. On ne s'y montrera qu'une fois, dit-on, mais on y retourne, tant la glu de la fortune est liante. Aux talents récalcitrants et misanthropes, qui, vivant de peu dans leur coin, attendent la gloire sans bruit, Paul opposait des sollicitations caressantes, des câlineries pleines de pièges. Béatrix ouvrait la soupe par des lettres délirantes. Elle avait passé bien des nuits, disait-elle, à lire le savant ou le philosophe qu'elle voulait attirer. Elle s'était imbue de ses systèmes, elle en rêvait, elle en raffolait, mais quelques ténèbres et quelques arcanes obstruaient encore son faible esprit. Elle implorait les clartés souveraines du créateur de ses œuvres profondes, qui ne pouvait se refuser de guider un adepte. « La femme est avide de lumière, ajoutait-elle. Il appartient à tout astre qui plane, de la lui verser. » Elle terminait en conviant l'astre à une agape littéraire, en compagnie seulement de quelques rares esprits dignes de comprendre le génie initiateur. Qu'ils viennent donc, un refus désespérait son adoration. La science est la religion du siècle. Qu'ils viennent, vers son humble prêtresse, ce doux savant, comme le Christ allait avec simplicité aux petits-enfants, qu'ils viennent en redingote, en pantoufles, en déshabillés de travail, mais qu'ils viennent. Paul porte lui-même cette épître dont nous avons la copie. Il en admire le style. Il dit à Bétrix qui l'embrasse, « Vous êtes une Sévigné, moins les crudités qu'elle se permet, et dont vous avez la pudeur de vous garder. » Cependant le savant ou le philosophe résiste à cette bordée épistolaire. Il est tout ahuri et marmotte. Cette femme aura diverti Molière. Puis, lançant la lettre dans la corbeille à papier, il se remet au travail. Mais Paul ne s'est pas tenu pour battu par le silence qu'a gardé l'astre. Un quart d'heure avant le dîner, il court le relancer dans son nuage. Il arrive dans la voiture de Béatrix. Il surprend l'astre en bonnet grec et les pieds sur les chenets, méditant ou lisant. « C'est trop de labeur !» s'écrie l'homme aimable. Dérober une heure à la gloire pour rendre une femme heureuse. Sa voiture est en bas et d'un plus, elle y montait pour venir vous chercher elle-même. Nous aurons Siméon, votre confrère de l'Institut, et Rubalt, qui va publier dans la revue une appréciation enthousiaste de votre dernier livre. Ne résistez pas, vous serez dorloté par une femme qui est un ange. « Mais y pensez-vous ? » répond le travailleur. « C'est toute une toilette à faire. À quoi bon ? Venez comme vous êtes. Votre génie vous part suffisamment. » « J'avais pourtant juré de ne pas bouger aujourd'hui, » riposte le savant indécis. « L'air vous ravivra, vous êtes pâle. Allons, c'est dit, vous avez consenti. Il faut me chausser, quelle fatigue, et mon domestique est sorti. Je vous aiderai, » réplique Paul. Le savant se décide en maugréant tout bas, met ses bottes et passe un habit. Paul s'empresse autour de lui et lui offre de nouer sa cravate. On part, le pas est franchi. Béatrix s'épuise en chatterie. Elle donne le ton à des concerts de louanges. Le dîner est exquis, les vins égayants. On se sent dans une atmosphère assez douce. On se dit au retour que quelques heures de halte ne nuisent pas aux travaux de l'esprit et que, après tout, ce salon en vaut bien un autre. On est sauvage, mais on est poli. Rendre une visite est de rigueur. On ne revient qu'à de rares intervalles, mais cela suffit. On est désormais de la maison. L'astre est conquis. Paul dit partout, c'est un des nôtres. D'autres ainsi sont attirés. Le nombre augmente, le salon s'affirme et prend de l'importance. C'est un centre d'hommes célèbres. Béatrix a vraiment de l'esprit. Paul a peut-être un génie qu'on ignore. Il se révélera tôt ou tard par des œuvres qui se font attendre. On l'encourage à les mettre au jour. Il sourit modeste et laisse sous-entendre des pensées profondes. Quelques compères révèlent alors que Paul aura communiqué des pages superbes d'un traité sur la législation universelle qui fera oublier l'esprit des lois. Paul se récuse humblement. Béatrix confirme les indiscrets. Elle n'en saurait douter depuis qu'elle a lu des fragments de cette œuvre. Paul aura sa place parmi les hommes illustres. Il l'avait déjà, c'est-à-dire qu'il l'apprenait lui-même. Il traitait en familier les plus glorieux, en tutoyait quelques-uns, et appelait les autres par leur nom tout court. Il les prenait par la taille ou leur frappait sémillant sur l'épaule en leur offrant des cigares divins. Comment se gendarmer contre des gens chez lesquels on dîne et on fume si bien? Puis Béatrix gardait un décorum parfait. Ce n'était pas sa faute si la loi sur le divorce avait été repoussée. D'ailleurs, on disait que Paul et Béatrix s'étaient mariés secrètement en Belgique. Et dans tous les cas, leur liaison avait droit au respect tant elle ressemblait à une amitié modèle. Ainsi pensaient les plus scrupuleux, qui, par une pente insensible, en était arrivé à traiter en ami ce petit monsieur triomphant. Le monde vit de mensonges. Béatrix parvint à imposer au railleur par sa pruderie audacieuse. Elle taxait d'œuvres perverses les romans de Madame X et se montrait sans pitié envers la marquise de B, qu'après avoir pris la fuite avec un artiste, élevait en bonne mère les enfants qu'elle avait eus de lui. C'était, prétendait Béatrix, par trop braver l'opinion publique. Lorsqu'elle parlait de Lamennais et de Béranger, elle disait, en clignant les yeux, « Ce sont deux hommes immoraux. » Un jour, Madame L, qui dînait chez elle, raconte une très plaisante anecdote sur une reine de vieille race, qui a l'habitude de donner à chacun de ses amants un riche reliquaire enfermant une petite partie du saint dont le bien-aimé du moment porte le nom. Madame L ajouta que l'avorton d'époux de la reine prenait sa revanche en s'amusant plus en Valois qu'en Bourbon. Béatrix, effarouchée, rougit jusqu'aux oreilles et dit sèchement que de pareils propos tenus devant ses domestiques pourraient les pousser à lui manquer de respect. « Eh, ma chère, riposta Madame L. « Vous enseignez donc l'histoire de France à vos laquais. » Et depuis ce jour, elle ne remit plus les pieds chez cet arsinoé incorrigible.